Bonjour et bienvenue dans ce cinéphage numéro 252. Avec nous toujours bien Maxime à la technique. Bonjour Maxime. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour cette émission avec un spécial « C'est quoi l'amour ?» du réalisateur Fabien Gorgeard avec l'interview qu'il nous a gentiment accordée en compagnie d'un de ses acteurs principaux qui s'appelle le Lee Yes Salem lors de leur venue à l'avant-première de son dernier film qui était organisé par notre partenaire, les CGR Centres de Tours, et sa dynamique équipe de direction. Nous allons vous faire découvrir les coulisses du tournage de cette sympathique comédie qui fut une surprise vraiment agréable pour moi. Cette émission sera donc organisée autour de cette rencontre avec le talentueux réalisateur et de son acteur facétieux, Lee Yes Salem, deux valeurs sûres du cinéma français qui se définissent aussi comme des amoureux du cinéma. Vous allez découvrir qu'il n'est pas toujours aisé de tourner à l'étranger, même dans le pays du cinéma qu'est l'Italie. Et je vous propose de commencer par la première partie de l'interview à présent, où on parle de la genèse du film. Eh bien, bonjour, je suis aujourd'hui avec une partie de l'équipe de C'est quoi l'amour, le film qui sera en avant-première ce soir au CGR Centre de Tours. Eh bien, bonjour à vous deux, est-ce que vous pouvez vous présenter sommairement pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, puisque bon, il y a quand même déjà quelques années de cinéma derrière pour deux passionnés. Alors moi je m'appelle Fabien Gorgeard, j'ai réalisé et écrit le film C'est quoi l'amour et je suis accompagné de Lee Yes Salem, qui joue dans le film C'est quoi l'amour, qui joue le rôle de Sofiane. Donc, comment est née l'idée du film, la genèse du film en général? Est-ce que c'était un projet de longue date ou c'est par rapport à, je sais pas, une anecdote ou quelque chose comme ça? Bah oui, c'est presque un projet qui est sorti du chapeau. Après avoir travaillé sur La vraie famille, donc mon film précédent, un film sur la famille, mais plutôt du côté mélodramatique, j'avais envie de me diriger vers la comédie. Et mon producteur, qui me connaît bien, venait d'entendre parler des histoires de procès en nullité de mariage. Il m'a dit, tu devrais regarder ça de près, je suis sûr que ça va t'inspirer. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une recherche sur la procédure. Donc, en gros, un procès en nullité de mariage, c'est quand on veut défaire un premier mariage à l'église, parce qu'on n'a pas le droit de se marier deux fois à l'église. La seule manière de se remarier à l'église, c'est de prouver que le premier mariage n'avait pas de raison d'être. Et donc, on fait une procédure en nullité de mariage pour ça. Et donc, j'ai trouvé ça passionnant comme angle d'attaque, terrain de jeu pour interroger la famille, les liens, nos histoires d'amour d'avant, nos histoires d'amour du présent, comment tout ça peut se mélanger, etc. Donc c'est ça qui a déclenché. Donc j'ai fait un travail d'enquête, j'ai rencontré des prêtres, des avocats ecclésiastiques, des gens qui ont fait la procédure, et ça a nourri un peu le scénario. Sans déflorer le sujet, on en parlait en off tout à l'heure, le titre « C'est quoi l'amour ?» On ne s'attend pas à un film aussi amusant. On dit, putain, ça traite d'un sujet sérieux. Et en fait, bah, pendant tout le film, on traite de sujets sérieux, de l'amour avec un grand A, et puis avec quand même beaucoup d'humour. C'est ce qu'on espérait, évidemment. Moi, j'avais envie de vraiment tendre vers la comédie, en espérant qu'elle repose sur un fond sérieux, comme vous dites, en tout cas profond, en tout cas que ça interroge vraiment sur... ce qui fait, en fait, dans la vie, moi, ce que je raconte, c'est que finalement, le film raconte que la vie, l'amour, ça s'accumule et ça s'annule pas. On est fait de plein d'histoires. Et comment, quand ces histoires, elles doivent elles sont à un carrefour dans le film. C'est-à-dire que leur histoire passée d'amour entre leur calami et donc Vincent Macaigne, qui joue ce vieux couple qui doit s'interroger sur leur histoire passée, ça fait évidemment réanimer un peu des anciens sentiments. Et comment on affronte ça dans le présent, quoi. Voilà. Donc, c'est. Je voulais que ça soit léger, la manière de le travailler. Et d'ailleurs, Sofiane le prend très bien dans le film. Bon, il y a quelques petits moments de tension, mais c'est quand même un personnage, moi, je trouve, qui est assez lumineux, qui est solaire comme garçon, qui prend très bien la chose. Ah bah oui, enfin oui très bien. Enfin, je pense que c'est quelqu'un. En tout cas, c'est comme ça qu'on a eu envie de le traiter. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'amour, pour le coup, pour cette Marguerite, assez large pour accepter qu'elle a eu une vie passée, qu'à ce moment-là, cette vie passée se réinvite dans leur amour présent, et que c'est normal de laisser une place raisonnable, on va dire. Voilà. À un moment donné, bon, il réagit, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez comment je pourrais dire positif. Oui, c'est ça qui met pas de barrière, quoi, voilà. Puis on parle beaucoup de l'amour intergénérationnel, puisqu'il y a les enfants, il y a pas que l'amour de couple, quoi. L'amour, c'est comme je disais tout à l'heure, avec un grand A. Oui, c'était vraiment de partir sur l'idée. On fait une fausse route dans le film. On fait croire qu'on va être sur une comédie de remariage, une comédie romantique. Et puis finalement, l'amour, ça concerne toute une constellation de gens, les enfants, les conjoints, tout ça. Donc c'était évidemment, il fallait élargir le cercle de l'amour. C'est ce que le film essaye de faire, en tout cas. Non, puis si je peux me permettre, il y a encore une fois ce couple de jeunes gens qui est là pour un peu vraiment mettre en perspective les trois autres couples, en fait. Les deux couples présents et le couple fantôme. Qui est évoqué pendant tout le long du film, parce que ces deux jeunes gens qui découvrent l'amour, donc qui découvrent la passion, qui découvrent le moment où on ne peut plus se séparer, se passer une minute sans l'autre, quelque chose de totalement impossible, alors que de l'autre côté, ce sont des adultes, donc ce sont des amours même qui, s'ils sont, il y en a un qui est en train de naître puisqu'il est en train de, il envisage de se marier, l'autre qui est là depuis un certain temps, qui est assez harmonieux, mais disons qui est assez installé, et puis ce couple fantôme qui dans lequel on replonge dans leur premier moment, notamment à travers la scène du mariage filmé, on replonge dans ce moment-là où ils se sont aimés de manière forte. Et tout, je trouve que ces trois histoires-là sont un peu éclairées différemment parce qu'il y a ce jeune couple. Et puis, il y a aussi de nombreux clins d'œil à la religion. C'est abordé avec humour et non vraiment, ça pourrait être sectaire. Et là, on rigole bien parce que on peut aussi rire comme de l'administration, voir que c'est très compliqué. Là, les Français, on est très forts là-dessus. Et là, on voit bien que même la religion est aussi compliquée au niveau administratif que l'administration en général. C'est exactement ça l'idée. C'était effectivement, c'est quand je me suis intéressé, comme j'ai dit, à la procédure. Donc, il y a une vraie procédure à laquelle il faut adhérer pour pouvoir obtenir la nationalité. Ça devient très compliqué. Il faut passer des entretiens, il faut remplir des dossiers, il faut avoir des avocats ecclésiastiques, etc. Donc, c'est vrai que c'était super amusant de déplacer toutes les questions de l'amour, les questions vertigineuses sur des choses très pragmatiques. C'est pour ça que le film aussi s'amuse de ce rapport à poser la question de manière très pragmatique, finalement, à des gens qui vont jamais avoir une réponse tout à fait terminée. Eh bien, maintenant, je vous propose une petite pause musicale avec un morceau qu'on entend d'ailleurs dans le film, le fameux Sarà perché ti amo, excusez mon italien, donc du film C'est quoi l'amour ? Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io campo al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto. Vola, vola, bien, maintenant, on va continuer l'interview de C'est quoi l'amour avec son réalisateur et son acteur principal. Et là, on va justement parler du casting des acteurs. Comment s'est fait le choix des acteurs? Est-ce qu'il y avait des gens que vous perceviez dès le départ dans tel rôle, ou il y a eu aussi du casting traditionnel? Alors, le gros du casting, notamment Liès, qui est là, vraiment, j'ai écrit pour lui, parce qu'il était dans mon film précédent. J'avais très envie qu'on se retrouve, et dans un rôle finalement pas si loin de ce qu'il avait fait dans celui d'avant, mais bon, là, j'aime à dire que dans celui-là, il prend un peu plus cher. Quoi, voilà. Et Mélanie Thierry s'est écrit aussi pour elle. Là, pour le coup, dans une version très différente de ce qu'on avait fait avant, une sorte de récréation. Elle fait donc Chloé, la femme qui veut absolument se marier à l'église. Et Laure et Vincent, j'ai très vite pensé à eux pendant l'écriture, en fait. Laure Calamy et Vincent McCain, parce que c'est des gens qui se connaissent très bien, en fait. C'est une sorte de vieux couple, finalement, parce qu'ils ont travaillé ensemble au conservatoire. Laure a joué dans les premiers spectacles de Vincent. Et moi, je les ai découverts ensemble dans un moyen-métrage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Un monde sans femme, où on les voyait se séduire. Et j'avais en tête ce couple-là à l'écriture. Voilà. Donc ça. Et puis Céleste Brunkel aussi, c'est pareil. C'est une actrice que j'aime beaucoup. J'avais très envie de la rencontrer. Et celle qui est vraiment. Ceux qui sont venus du casting, c'est Saul Menchetrit qui joue Raphaël et Abel Rosé qui joue Tom. Voilà. Eux, on les a trouvés en casting. Les deux ados dont parlait Eliès, dont l'histoire d'amour prend beaucoup de place aussi. Voilà. Eliès, justement, comment vous êtes arrivé sur le projet? Vous en avez discuté ensemble? Oh bah oui, comme on avait fait la vraie famille ensemble avant, puis qu'on est resté assez proches et tout ça, donc c'est des discussions qu'on a. Donc je savais qu'il était en train d'écrire. Et puis un jour, on a eu une discussion où je savais qu'il pensait à moi pour un des personnages, mais il n'est pas rentré beaucoup dans les détails. Moi, je savais que c'était, je connaissais à peu près l'écrin, l'arène de jeu. Donc, j'ai forcément tout de suite proposé de jouer le pape. Et puis finalement, non. Il faut voir la scène. Oui, c'est pour ça. T'as spoilé. Ah bon, oui, merde, tu crois? Bon, bah, il te coupera. Et puis, voilà. Et puis, un jour, il m'a envoyé le scénario, et puis on en a parlé. Voilà. Moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est justement cette. Ce qui se passe, ce qui agit entre Marguerite et Fred vient bousculer, voilà, un écosystème autour. Et c'est ça qui était, ça fait cinéma pour moi. Ça donnait un sens à tout ça. Et puis c'est aussi, ça me plaît beaucoup le sillon que creuse Fabien autour de la famille, tout ça. Je pense d'abord ça me plaît, puis je pense que j'y ai vraiment il y a quelque chose de l'intimité qui me touche aussi beaucoup là-dedans. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc voilà. C'est ce que j'allais vous demander tous les deux. Ça vous a rappelé des... Est-ce qu'il y a des moments où vous utilisez vos souvenirs personnels? Je pense que quand on est acteur, il y a toujours un moment, la matière, on va puiser dans ce qu'on avait, dans ce qu'on on vit, dans ce qu'on a vécu, dans des, oui, ça, évidemment, mais ensuite, c'est beaucoup moins, c'est pas aussi carré que ça pourrait le penser. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses très, on va puiser dans une sensibilité plutôt que dans des souvenirs très précis. Oui, moi, j'étais à vif sur la question de la séparation, de qu'est-ce qu'on fait de nos histoires d'amour d'avant. Je me suis séparé il y a 3-4 ans, quand j'ai eu l'idée du scénario, donc c'était maintenant il y a un an et demi, 2 ans. J'étais beaucoup en train de réfléchir à la question. Donc évidemment, ça m'a inspiré. J'avais envie d'utiliser cette matière-là, et puis j'avais aussi envie de faire un film autour de tout ça, sur la conciliation, sur le fait de dire, bon, ben, on doit assumer qu'on va vivre avec... différentes couches d'amour en nous, quoi. Donc c'était vraiment, oui, c'est très très très porté. Moi, j'ai été, par exemple, pour le dire aussi à d'autres endroits, j'ai été un Tom, c'est le petit copain qui est tout le temps fourré chez les parents, qui se retrouve au petit déjeuner le matin, ce qui fait pas forcément plaisir à la mère parce qu'il a passé de la nuit dans la chambre de sa fille, quoi. Donc moi, j'ai été un Tom, où j'ai été très présent chez mes beaux-parents. Justement, tous les acteurs, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est vraiment une famille. Vous connaissiez-vous les uns et les autres? Avez-vous déjà joué ensemble on sait que certains, oui, se connaissaient avant et... Comme le disait Fabien, Vincent et Laure se connaissaient plutôt bien. Moi, je connaissais Laure un petit peu, mais je n'avais jamais vraiment joué avec elle. On s'était croisés aussi au conservatoire. Je connaissais Mélanie, pour avoir tourné avec elle. Mais non, sinon, les autres, je les rencontrais. Mais la preuve que c'est pas nécessaire de se connaître pour faire famille. Après, c'est aussi de la façon dont on est accompagné, j'ai envie de dire, encadré par la mise en scène et donc la façon dont les choses sont pensées. Et dans mon souvenir, les choses là aussi, que ça a été plutôt bien pensé dans ce sens-là, c'est-à-dire que le plan de travail, enfin l'organisation du tournage du film faisait que la famille de Marguerite, donc Marguerite, Sofiane et leur fille Raphaël, on a commencé par la première semaine de tournage du film, c'était celle-là dans leur maison. Donc on a eu une semaine, nous, pour se rencontrer seuls, tous les trois, être ensemble, se rencontrer. Et sans doute que ce sont des moments qui créent, qui déposent des graines, si vous voulez, qui ensuite vont, sur le temps du tournage, donner des résultats par la suite. Parce qu'il y a forcément une connivence qui se met en place. Et puis on est là pour servir de toute façon un réalisateur et son propos. Et donc, notre boulot, c'est aussi d'aller au maximum dans ce sens-là. Et justement, c'est étonnant de voir un casting comme ça. Moi, j'étais impressionné par le casting, de voir tant de personnes venant de milieux différents, avec une filmographie très différente. Mais ouais, là, ça coule, ça... Et chacun joue juste... Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, justement, le jeu des personnages et cette entente. Déjà, merci. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on cherche, c'est le fantasme qu'on a, c'est le pari qu'on fait en réunissant tous ces gens. Et c'est vrai que moi, j'étais très heureux parce que, en fait, le casting que j'avais en tête, je l'ai eu. C'est ça, surtout, qui s'est passé aussi. C'est-à-dire que vraiment, j'avais une très forte croyance déjà à l'écriture, en imaginant Liès dans le rôle de Sofiane, Mélanie dans le rôle de Chloé. Laure et Vincent. Donc ma croyance à moi, elle était très forte et ça aide à travailler aussi. J'ai pas eu la besoin d'avoir à réinventer une croyance, quoi. Elle était là. Et puis c'est des acteurs. Après, c'est ça aussi qui est bien. C'est des sacrés comédiens quand même. C'est vraiment. Moi, j'ai été tout le temps nourri d'eux, tout le temps nourri de leur force de proposition, de leur surtout leur grande capacité. C'est que des gens très intelligents. Hein. Donc ils comprennent très bien ce qu'on est en train de raconter et donc il le surélève, quoi, tout le temps. Donc ça, c'était parfait. Eh bien, maintenant, on va passer à une petite pause musicale avec un morceau très connu, surtout à Radioactive. Eh bien, c'est « I Love Rock'n'Roll » de Joan Jett qu'on peut entendre dans la bande originale de « C'est quoi l'amour ?» By the record machine, I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? The next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Come and take your time and dance with me. I love rock and roll. bien, retour à l'interview de C'est quoi l'amour ? Et là, on va parler un petit peu des problèmes rencontrés, de la musique et puis quelques petites anecdotes. Est-ce que vous avez rencontré des petits problèmes sur le tournage, comme souvent on a ? Alors des fois, ça peut être le temps, le lieu, parce qu'en fait, on bouge pas mal de lieux dans votre film. Ce qui était compliqué, c'était le tournage à Rome. Ça, j'ai trouvé ça compliqué parce que déjà, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais y faire. Donc, on a un peu triché. Il y a des choses qui sont pas à Rome dans le film, mais qui sont censées se passer à Rome. Et puis, on n'avait pas beaucoup de temps là-bas. Ils ont pas le même système de travail que nous, les équipes italiennes. Donc, fallait se comprendre. Voilà, ça a été un peu tendu pour moi, ce moment-là, à Rome. Mais finalement, on a eu tout ce qu'on voulait et ça s'est très très bien passé. Mais c'est ça que je dirais. Voilà, le truc le plus compliqué a été Rome. Et au niveau de la musique, j'ai trouvé que la musique était assez éclectique. On a le fameux I Love Rock'n'Roll de Joan Jett qui arrive blanc comme ça. Mais je trouve que ça passe bien crème, comme tous les morceaux qu'il peut y avoir. Il y a eu un choix au niveau de la musique ? Bah oui, en fait, on a fait un travail avec le compo. Il y a eu la musique originale, donc il y avait aussi. Je vais pas spoiler, mais à la fin, il y a un morceau quand même qui est très parlant par rapport à ce que le film raconte et qui est très connu. Mais je vais pas le dire celui-là. Mais c'est surtout le travail qu'on a fait en composition, moi, qui m'a passionné sur ce film-là plus que ce que j'avais fait jusqu'à présent, parce que il y avait une sorte de référence très forte au montage. J'avais utilisé la musique de Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Elle était très présente et elle amenait, si vous voulez, des références à la comédie américaine, italienne, comédie américaine des années 50, quelque chose comme ça qui est plus grand que la vie, des orchestrations importantes. J'avais ça comme référence. Et donc, on a fallu retraduire et travailler pour aller dans ce sens-là. Et j'avais surtout envie qu'on crée aussi un morceau, une chanson pour le film. Et donc ça, j'ai été très heureux grâce à Paula Stellar, la comédienne qui joue la petite amie de Léa dans le film, qui est aussi une musicienne et une chanteuse. On a composé un morceau avec elle, c'est celui qui ouvre le film et qui le termine. Et ça devient aussi le thème qu'on en réentend régulièrement. Donc ça, j'étais très heureux de pouvoir faire ce travail-là. Est-ce que vous avez des petites anecdotes en bien ou en mal, hein, parce qu'on dit une anecdote, ça peut être super sympa, et des fois, ça peut être un retard, un problème. Eh ben, il y a une anecdote qui nous a coûté 10 000 euros, vous voulez que je vous la raconte ? Ah oui ! Alors, justement, Rome, revenons sur Rome, revenons sur notre fantasme à tous de tourner à Rome, on était tous très contents, la Dolce Vita, Fellini, les références, etc. Au point que le problème, c'est que quand on tournait à Rome, c'était en plein travaux pour le jubilé. Donc, il y avait presque rien qui était possible à filmer, il y avait des échafaudages partout, etc. etc. Et j'ai senti Laure et Vincent qui étaient très heureux de tourner à Rome, comme nous tous. Et ils avaient cette scène de balade en scooter que vous verrez dans le film. Et à un moment donné, on travaille aussi pas mal en impro. Et en plein milieu d'une prise, ils se sont arrêtés avec le scooter à côté d'une fontaine de Rome, sur les hauteurs de Rome. Et ils sont rentrés dans la fontaine avec Laure qui criait « Marcello, Marcello !» etc. qui était vraiment dans la fontaine. Et Vincent, du coup, on appuyait sur « on », on les lâche, ils font n'importe quoi. Et c'était très drôle. Et moi, je les ai laissés faire parce que je sens que de temps en temps, il y a besoin de laisser de la liberté aussi, même si je savais qu'ils ne pouvaient pas arriver tout mouillés à l'hôtel après, par exemple, c'était pas logique. Et ben, en fait, la police est venue le lendemain voir les producteurs italiens en disant qu'on n'avait pas l'autorisation pour faire ça, etc., etc. Donc là, ils sont en train de se battre pour essayer de faire sauter l'amende. Elias, est-ce qu'il y a une petite anecdote en tant qu'acteur ? Oh là, zut, alors là, j'ai pas du tout réfléchi à ça, non, je crois. Non, je me souviens pas, je crois pas. J'en cherche une. Ouais, Ben non, est-ce que. On est très sage. Elias, il a fait. Malheureusement, ça s'est coupé au montage. Lui aussi, il s'est mouillé parce qu'il a sauté plusieurs fois dans la piscine. Il faisait un plongeon magnifique, ouais, une bombe. Mais c'était pas. Non, ça s'est plutôt bien. Oui, il n'y a pas eu de. Bien déroulé. Écoutez, moi, j'ai trouvé que Nîmes ressemblait beaucoup à. Des fois il y en a, puis là c'était super tout ça, mais j'ai pas d'anecdote croustillante en tout cas. Voilà, ça s'est bien déroulé. Par contre, on a une belle anecdote parce que qui là coûte cher. On croise les doigts pour que les résultats du film fassent que hop, ça a priori c'est bien parti. On va réussir à faire de bonne foi et réussir à la faire sauter. Eh bien, quoi de mieux que d'écouter la bande-annonce du film afin de vous donner un petit peu l'ambiance générale de « C'est quoi l'amour ?» Moi, c'est Marguerite. Dans ma vie, il y a Sofiane et notre fille Raphaël. Les petits copains, les devoirs, le sport, tout rentre pas. C'est pas les petits copains, c'est le petit copain. On peut parler de tout ça à la maison. Merci. Tu prends ça comme un exercice. C'est des choses qui arrivent. Il y a aussi Léa. Bon, faut que j'y aille là. La fille que j'ai eue avec mon ex, Fred. Toi et moi, on s'est mariés à l'église et je peux pas m'y remarier. Tout simplement parce qu'on peut pas se marier deux fois à l'église. Tu vas te marier ? Bah oui. Bon, et du coup, il y a aussi Chloé, la compagne de Fred. Je dois signer quoi ? C'est un peu plus compliqué qu'une signature, mais enfin, c'est pas la mer à boire. Hein. Est-ce avec lui que vous avez perdu votre virginité ? Il a pas arrêté de sous-entendre que j'étais une énorme pute parce que toi, t'as dit que j'avais couché avec tout le monde, à tout va. Non, non, attends. Qu'est-ce que tu fous avec une ultra-cato, toi ? Je l'améliore, toi. C'est au Vatican que le dossier sera traité. Oh, plutôt sympa comme châtiment. Un petit voyage à Rome. Ça me ferait trop plaisir de venir. Hein? Moi aussi, je viens. Tom, il dit qu'il pourrait venir. Ses parents, ils sont chauds. Moi, je me débrouille super bien en italien et je connais hyper bien la ville. Je suis un super guide. Ah bah oui, tu viendrais. Quand on s'est mariés comme ça. Vous étiez beaux tous les deux. Et quand on s'est séparés comme ça. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait là, d'être ici comme ça avec vous. Ça me remue un peu quoi, tout ça. Eh bien, nous allons arriver au moment où il y a une fin dans tous les interviews. Eh bien, nous allons maintenant voir le réalisateur et l'acteur principal qui vont nous parler de la réception un peu du film auprès des spectateurs et puis aussi leurs projets éventuels au niveau du cinéma. C'est pas la première avant-première. Comment est reçu le film par le public ? Moi, je suis très heureux du sentiment que, après, les gens qui viennent vous voir, c'est les gens qui ont aimé. Hein. C'est rarement ceux qui n'aiment pas. Bah. Mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt un enthousiasme qui se partage. Et c'est surtout ce que j'entends. Les deux choses que j'entends le plus, c'est que c'est un film qui a l'air de faire du bien. Et l'autre, c'est que ça parle beaucoup aux gens parce que ça renvoie aux histoires personnelles, puisqu'on est tous ou des enfants de divorcés, ou on s'est séparés, ou on essaye de comprendre comment on recompose avec la vie comme elle change quoi, tout le temps. Donc je pense que le film parle beaucoup aussi de manière assez en miroir à ce que les gens traversent. Et si je vous demandais l'un et l'autre de dire aux auditeurs pourquoi ils doivent aller voir C'est quoi l'amour ? Parce qu'ils auront la réponse. C'est marrant parce que c'est une des discussions qu'avaient les gens qui ont vu en même temps que moi la projection. Et certains, c'était « Ah, on va enfin avoir une réponse ». Après, je promets aux gens qu'ils n'auront pas que je les rembourse. Voilà. Non, mais je plaisante un peu, mais je pense que c'est un film qui... J'espère, en tout cas, on s'amuse beaucoup. C'est avant tout une comédie. C'est une comédie qui parle de choses qu'on connaît tous très bien et que c'est peut-être une bonne manière de s'interroger dessus. Et puis c'est surtout parce que c'est un bon film. Avec des bons acteurs. Voilà. Et qu'il n'y a pas meilleure raison pour aller au cinéma que celle-là, quoi. Puis il faut encourager le cinéma parce que on sait que bon, il y a des plateformes, mais le vrai cinéma sur grand écran, c'est quand même mieux. La preuve, ça, quand il y a plein de gens qui rient dans la salle, c'est vrai que moi j'ai vu, par exemple, le film, on a eu la chance qu'il soit projeté à l'Alpe d'Huez. Il y avait 800 personnes dans la salle et 800 personnes qui rigolent en train de regarder le film, c'est pas mal à entendre quand même. C'est assez plaisant. Ça fait un peu trembler le sol. Ouais. Et les gradins. C'est vrai. Au niveau projet, est-ce que vous avez des projets définis ou des envies de tourner certaines choses ? Bah là, je suis en plein dans l'écriture, donc c'est encore un peu trop tôt pour en parler, mais oui, j'ai hâte d'avoir un nouveau projet à mettre sur le feu. Eh bien, moi, j'ai des tournages qui arrivent. Passionnants, très excitants. Donc, on va pouvoir retrouver l'IS dans plein de films. Absolument, dans au moins deux. Au moins deux. Et pour terminer cette interview, un petit mot pour les auditeurs de Radioactive et puis mon émission Cinéphage, puisque elle est consacrée, comme je disais, au cinéma. Et puis, c'est aussi pour promouvoir le cinéma, et le cinéma français en particulier, parce que... On sait que les années Covid ont été dures, la reprise du cinéma a été très dure pour la plupart de toute la profession en général. Donc, un petit mot pour nos auditeurs. Bah non, mais je partage avec eux et avec vous la passion du cinéma. Moi, je me sens avant tout un cinéphile avant même d'être un réalisateur. Et donc, je trouve ça formidable quand il y a des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire transmettre cette passion-là. Et c'est ce que vous avez l'air de faire. Donc, c'est continuez surtout à écouter votre radio. Et puis, profitez-en pour aller voir les films qu'on vous conseille. Parce qu'apparemment, celui-là en fait partie. Ah bah, comme il a dit, lui. C'est parfait. Eh bien, merci à vous deux. Et puis, bonne chance au film. Merci beaucoup. Coup de cœur vidéo. Eh bien, mon coup de cœur vidéo du jour, c'est Blended, un film de 2014 de Frank Coraci. Donc, l'histoire, c'est après un retard désastreux, Lorraine, jouée par Drew Barrymore, et Jim, joué par Adam Sandler, sont tombés d'accord sur une seule chose, ils ne veulent plus jamais se revoir. Mais voilà que le hasard va s'en mêler et ils vont se retrouver en famille avec leurs enfants, tous coincés et obligés de partager une suite dans un hôtel de luxe pour safari en Afrique du Sud durant une semaine. Donc, bien, on reste sur le thème des familles recomposées dont on a parlé dans C'est quoi l'amour ? Et puis bon, là, bon, c'est version américaine avec Drew Barrymore, moi, que j'adore comme actrice. Hein, c'est une actrice qui a commencé avec E.T., mais elle est toujours. Et puis Adam Sandler avec son humour à la con, comme on pourrait dire des fois. Bon, le choc un petit peu de ces deux personnages, un petit peu entourés de leurs familles respectives. Bon, bien sûr, très cliché à l'américaine, mais bon, on passe aussi un bon moment. Eh bien, on reste sur le thème de l'amour et des familles recomposées avec mon coup de cœur rétro qui sera « Les tiens, les miens, les nôtres » d'un film de 1968 où un veuf, père de 10 enfants, joué par Peter Fonda, et une veuve, mère de 8 enfants, jouée par Lucy Ball, décide de se marier. La cohabitation des 20 membres de cette famille bien particulière ne va pas se passer sans querelle jusqu'à l'arrivée du premier enfant du couple recomposé. Alors, il y a un remake qui a été tourné en 2005 qui s'appelle « Une famille, deux en un » avec Dennis Quaid et René Russo. Donc, un thème qui est toujours présent, hein, les familles recomposées. Et puis un peu, bah, comment on va vivre ça ? Parce que ce n'est pas toujours évident, spécialement quand il y a beaucoup de membres. Good morning, Radioactive. Et maintenant, les news cinéma. Eh bien, ceux qui aiment Tolkien et les aventures du Seigneur des Anneaux vont être vraiment enchantés, puisque après The Hunt for Gollum, le nouveau film du Seigneur des Anneaux qui va voir le jour sera intitulé aussi The Lord of the Rings, Shadow of the Pass, et il sera écrit, même coécrit, par le célèbre animateur Stephen Colbert. Peter Jackson en a fait l'annonce surprise. Le film « The Lord of the Rings, Shadow of the Pass » sera basé sur le chapitre « Brouillard sur les hauts de Galgalz »,« Fog on the Barrow Down » en version originale. Cet épisode se situe 14 ans après la disparition de Frodon. Sam, Merry et Pipin repartent sur les traces de leurs premières aventures. Et en parallèle, Elanor, la fille de Sam, découvre un secret enfoui depuis longtemps et cherche à comprendre pourquoi la guerre de l'anneau a failli être perdu avant même d'avoir commencé. Et on signale que le personnage Tom Bombadil sera présent. Donc, amis de Tolkien, voilà de quoi espérer et vous faire attendre. En attendant, il y a la série, bien sûr. Mais voilà, on est tous fans de Tolkien ici, je pense. Et puis, ben, j'espère qu'on verra un beau film et que ça ne sera pas gâché. Mais enfin, si Peter Jackson est dans l'aventure, bon, on sait qu'il y a un petit peu un garde-fou. Les films à venir avec nos partenaires, les cinémas CGR de Tours. Eh bien, c'est toujours actif du côté des CGR Centre de Tours, puisqu'on aura le droit à une soirée culte, fantôme contre fantôme. Bah oui, on parlait de Peter Jackson, vous voyez. Et ça, ça sera le mercredi 22 avril à 19h50. Une avant-première pour le plaisir, ça sera le vendredi 24 avril à 19h45 au CGR Centre de Tours, avec dans cette comédie, Alexandra Lamy et François Cluzet. Ensuite, pour les gens qui préfèrent les mangas et compagnie, The Legend of A2, ça sera le 25 avril 2026 à 13h30 en séance unique. Ensuite, eh bien, on aura le droit au retour du Diable s'habille en Prada, donc le 2, et ça sera du mercredi 29 avril 2026 au mardi 5 mai 2026. Et au studio, on aura le droit à Une fille en or de Jean-Luc Gaget avec Pauline Clément. Et ça sera le jeudi 16 avril à 19h45. Et normalement, je serai à cette projection. Enfin, j'aurai la chance de voir cette projection et d'interviewer justement Jean-Luc Gaget. Donc, ça sera sûrement, petit scoop, un prochain cinéphage. Et ensuite, nous aurons en nous le documentaire fait par Juliette Binoche, ça sera le 29 avril à 19h45 au studio. Et pour retrouver tous les films à l'écran et leurs horaires, ben, tout simple, vous allez cliquer sur leurs sites respectifs, donc les sites de CGR Centre Tours et Studio. Enfin, nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage numéro 252 spécial « C'est quoi l'amour ?». Donc un grand merci à Fabien Cojard et Lies Salem pour cette super interview et à nos partenaires, les cinémas CGR Centre de Tours, son directeur bien sûr Mehdi et son équipe qui ont permis aujourd'hui de vous présenter cet événement de cinéma en Touraine. Bien sûr, vous pouvez retrouver Cinéphage sur notre page Facebook radioactivefm.fr et en podcast ou en streaming sur notre site www.radioactivefm.fr. Et puis, pour les fans du petit écran, n'oubliez pas d'écouter aussi notre émission Cérivore sur Radioactive en alternance avec Cinéphage. Et enfin, vous pouvez devenir vous-même l'invité de l'émission en contactant Radioactive Amboise Montlouis. Et on dit un grand merci à Maxime qui est toujours à la technique et qui vous fait ce son qui vous permet d'écouter et de partager avec vous ces moments de radio. Mais en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye les auditeurs!